me semblait que une chaire au Collège de France avait pour vocation naturelle non seulement d'expérimenter, mais aussi d'écouter la façon d'expérimenter des autres. On faisait la queue pour entrer dans la petite salle numéro 8 du Collège de France, comme aujourd'hui on fait la queue pour aller au cinéma. Les cours du Collège de France par Meryl Moneghetti. S'il m'est permis d'interpréter à mon tour le Collège, il est comme l'une des dernières ruses de l'histoire. Le professeur n'y a d'autre activité que de chercher et de parler. Je dirais volontiers de rêver tout haut sa recherche. Alors là, tout le monde est là, mélangé, scientifique, littéraire, philosophe, gens de toutes les langues. Enfin, et vous voyez, cette salle est remplie de souvenirs sur l'histoire du Collège de France. Voici, comme chaque jour de cette semaine, conviés au cours du Collège de France auquel s'associe France Culture pour partager une recherche en marche, appréhender les mutations et les enjeux de notre monde dans un esprit interdisciplinaire. Pourquoi tourner son regard du côté du nomos grec et de l'alex en droit romain? Pourquoi Aristote a-t-il récusé l'assimilation de l'art législatif à une technique de gouvernement? Pourquoi l'idée selon laquelle l'autorité des lois dépend de leur stabilité a-t-elle couru jusqu'à nous? La conception du droit, vidée de toute interrogation politique ou philosophique, est-elle un legs du droit romain? Comment, devenue technique de gouvernement avec les Romains, la loi est-elle susceptible de servir aussi bien une monarchie, une oligarchie qu'une démocratie? Alain Supio, professeur au Collège de France, titulaire de la chaire État social et mondialisation, analyse juridique des solidarités, fondateur en 2008 de l'Institut d'études avancées de Nantes, dont il préside aujourd'hui le comité stratégique, interroge l'apport grec de notre idée de la loi et la matrice juridique romaine de notre culture dans le cadre de sa grande série de cours sur les changements qui nous font passer du gouvernement par les lois à la gouvernance par les nombres. De l'englobement de la lex par le jus naît le droit romain, va nous rappeler le juriste ce matin, et un paradigme institutionnel promis à une extraordinaire carrière et, je le cite, un ordre juridique qui tout à la fois s'impose aux gouvernants et il est un instrument de leur pouvoir. Cet ordre s'impose à eux car il autonomise la forme juridique et investit les gouvernés de droits individuels opposables. Et il est un instrument de leur pouvoir, poursuit encore Alain Supio, car, à la différence de la loi religieuse ou scientifique, la loi civile donne force normative à la volonté humaine et peut être modelée et transformée par elle. Revenant sur le legs antique, dans une tribune donnée au Figaro le 7 novembre 2016 sur le grand délitement de la démocratie, Alain Supio rappelle, et je le cite, « La démocratie est un cadre institutionnel fragile, qui faisant crédit à la valeur de la parole, nous permet de confronter durement nos opinions sans en venir au coup. Mais c'est un régime qui ne peut survivre durablement, écrit-il, qu'à deux conditions repérées depuis l'Antiquité. D'une part, des citoyens qui ne divisent pas de trop grands écarts de richesse et rendus capables de se hisser à la considération de l'intérêt général au-delà de leurs passions et intérêts particuliers. Et d'autre part, des gouvernants issus de leur rang qui ne se considèrent pas comme les maîtres des hommes, mais comme les serviteurs des lois. » Revenant sur la crise actuelle, il conclut « Cela permet aussi de comprendre pourquoi il est dangereux de ne tenir compte des scrutins que lorsqu'on les gagne. Le discrédit qui en résulte sape les bases mêmes de la démocratie, encourage la quête de l'homme fort et ouvre les vannes de la violence. » Cela posé, tournons-nous vers le nomos grec et la lex dans le droit romain pour la première partie que consacre Alain Supio à l'essence de la loi dans la tradition juridique occidentale le 14 février 2013. À cette première heure tournée vers l'Antiquité succédera demain une deuxième partie sur la révolution grégorienne et nous gagnons tout de suite l'amphithéâtre du Collège de France. L'emploi du pluriel dans l'intitulé du cours, gouvernement par les lois, et là, pour marquer l'étendue du champ sémantique recouvert par le mot de loi, c'est un mot qui a pu recouvrir dans l'histoire du droit des significations très différentes. Le sujet est immense et je vais me borner a donné quelques coups de projecteur sur des moments clés de l'histoire de cette notion de loi dans la tradition occidentale. Je laisserai de côté tout le versant religieux de cette tradition, c'est-à-dire celui de la loi vétérotestamentaire et de la rupture opérée par le christianisme qui s'annonce comme une sortie du temps de la loi et une entrée dans le temps de la grâce. Et je m'en tiendrai donc ici à ce qui, dans la tradition occidentale, correspond au projet de se donner à soi-même ses propres lois. Donc on va commencer par le nomos grec. L'Antiquité grecque peut être prise à cet égard comme point de départ, nonobstant une mise en garde au demeurant tout à fait sérieuse, faite par certains auteurs qui dénoncent le caractère souvent mythique de l'invocation de nos racines grecques. Je pense ici aux travaux notamment de Marcel Détienne, notamment à son livre « Comment être autochtone », où il montre en particulier que la notion de démocratie, loin d'être quelque chose de spécifiquement grec, se trouve dans d'autres expériences, et il prend un cas africain et un autre caucasien, je crois me souvenir. S'agissant de la notion de loi, cette utile mise en garde ne doit pas en effet nous empêcher de reconnaître que c'est en Grèce, que c'est affirmé pour la première fois, l'idéal d'une loi que la cité se fixe librement à elle-même. Ce moment très important a été étudié par de grands auteurs, notamment Louis Gernet dans son ouvrage sur droit et institutions en Grèce antique et Jacqueline de Romilly dans son livre sur la loi dans la pensée grecque. Et ces recherches vont nous permettre de comprendre les conditions dans lesquelles a ainsi été découverte la loi au sens moderne, ainsi que les premières vicissitudes de l'idéal d'un gouvernement par les lois. Et vous pourrez voir que les problèmes qu'ont rencontrés les Grecs sont encore les nôtres. Alors peut-être ce sont des problèmes sans solution. C'est avec l'écriture que naît la possibilité de fixer dans des lois les règles de vie en commun qui, jusqu'alors, reposaient sur une mémoire orale et n'offraient donc pas les garanties d'opposabilité de l'écrit. Euripide écrit ainsi « Une fois les lois écrites, le faible et le riche jouissent d'un droit égal ». Bon, c'est peut-être un peu optimiste, mais enfin, il faut déjà les écrire et nous verrons quand nous parlerons de la Chine que ça a été un point qui a été très sensible aussi chez les légistes. Alors, les lois constitutives qui furent données aux cités grecques par de grands législateurs comme Lycurgue ou Solon, qui sont des noms mythiques donc pour les juristes, étaient qualifiées de « rétra » à Sparte et de Thesmos à Athènes. Alors, rétra se rattache au verbe dire et Thesmos au verbe poser, instituer. Et c'est seulement avec l'avènement de la démocratie que Thesmos disparaît au profit de nomos dans le vocabulaire athénien. Intervenu au tournant des 6e, 5e siècles avant Jésus-Christ, ce changement terminologique marquerait donc le passage d'une loi imposée du dehors à une loi que les citoyens se donnent à eux-mêmes. Autrement dit, avec nomos, advient l'idée d'un gouvernement par les lois, gouvernement synonyme pour les Grecs de démocratie. Il est en effet porteur de ce qu'on appellera l'isonomie, c'est une notion sur laquelle on reviendra, c'est-à-dire le fait que chacun est à égale distance de cette loi qui n'est la chose de personne. C'est cet idéal qu'évoquera plus tard Platon, évoquant un gouvernement, je cite, où, et là nous avons vraiment l'idéal déjà du gouvernement par les lois, c'est la loi qui commandait en reine aux hommes et non les hommes qui se faisaient les tyrans des lois. Alors, nomos, qui dérive du verbe nemo, partager, désignait antérieurement une grande variété de règles observées dans des pratiques rituelles ou artistiques. Son nouvel emploi est le lieu d'une tension entre le prescrit, c'est-à-dire la représentation d'un ordre idéal, et le décrit, c'est-à-dire la fixation par écrit, d'habitude observée en pratique. Et cette tension semble inhérente à l'idée même de loi humaine et nous la voyons courir tout le long de l'histoire jusqu'à nos jours. La question qui ne va pas se manquer de se poser immédiatement à cette loi proprement humaine est de savoir d'où elle tire son autorité. Autrement dit, à quelle autorité on peut la référer, quel est son garant ? C'est un problème qui ne se pose évidemment pas quand la loi est imputée à une source divine. La loi révélée venant de Dieu, Dieu est le garant de la loi. Mais dès lors qu'elle est conçue comme une œuvre humaine, elle se trouve privée de garant et exposée au risque de versatilité et de relativité. Et très vite, une question va surgir, qui n'a cessé de hanter depuis la pensée juridique. N'existe-t-il pas des lois supérieures, non écrites, que tout homme doit observer, quand bien même elles seraient contredites par un législateur humain ? Si vous le savez, tout le thème d'Antigone, qui oppose à Cléon le respect des rites funéraires dus à tout être humain, en raison, dit-elle, des lois non écrites, inébranlables des dieux. Alors, de nos jours, on n'évoque plus les dieux, mais les droits imprescriptibles et sacrés attachés à la condition d'être humain, pour poursuivre ceux qui, sous couvert du droit positif, ont concouru à la violation de ces droits sacrés et pour fonder, en revanche, un droit à la résistance à l'oppression. Ce droit a été affirmé par la Déclaration d'indépendance américaine de 1776 est consacré, comme vous le savez sans doute, à l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, qui fait partie de ce que nous appelons notre bloc de constitutionnalité. Mais on ne peut s'empêcher de remarquer que les auteurs de la Déclaration américaine, mais je pourrais faire un commentaire du même ordre sur la Déclaration française de 1789, s'accommodaient très bien de législation raciale et n'entendaient pas conférer à leurs esclaves le droit à la résistance qu'ils se reconnaissaient à eux-mêmes. Autrement dit, ils admettaient la légitimité de règles que l'article 7 du statut de Rome instituant la Cour pénale internationale qualifie aujourd'hui de crimes contre l'humanité, puisque tels sont définis l'apartheid ou la réduction en esclavage. Et on pourrait dire la même chose des législations eugénistes, dont j'aurai l'occasion de parler plus tard, qui ont été maintenues en vigueur dans les pays nordiques bien après la Seconde Guerre mondiale et qui ont été des programmes de stérilisation forcée, qualifiés eux aussi aujourd'hui de crimes contre l'humanité. Donc quand bien même prétendent-elles poser des règles éternelles, sacrées et imprescriptibles, les lois humaines manquent d'un garant indiscutable et apparaissent aussi inconstantes que diverses. Leur légitimité n'est donc que relative. Montesquieu a consacré, on le sait, à la relativité des lois, des pages immortelles, mais bien avant lui, Hérodote. Alors Hérodote, je recommandais toujours à mes étudiants la lecture d'Hérodote, parce que c'est pas seulement le père de l'histoire, c'est le père du droit comparé. Il faisait déjà le même constat. Tout au long des pérégrinations qu'il décrit dans son enquête, il note, alors à la fois au sens descriptif et au sens évaluatif du verbe noter, il distribue des notes sur la diversité des lois des pays qu'il traverse. Alors on trouve chez Hérodote des pages assez extraordinaires sur les lois matrimoniales ou religieuses des Scythes, par exemple, ou de précieuses informations sur les premières formes juridiques de solidarité face à la maladie. Mais si je le cite ici, ce n'est pas pour le plaisir de l'érudition, c'est parce que vous trouvez tout de même chez Hérodote une observation fondamentale, c'est que certes les lois sont relatives, mais cette relativité va de pair chez les hommes avec l'universalité de l'interdit. Par exemple, l'interdit de laisser sonner son téléphone dans un amphithéâtre. Celui-là n'est pas universel, mais dès lors qu'on s'est réunis, il y a toujours des interdits. Donc il faut penser ces deux choses en même temps. La relativité des lois ne signifie pas qu'il puisse y avoir une société sans interdits. Hérodote donne cet exemple. Les mêmes qui ont coutume de manger leur père mort, comme rite funéraire, se révulsent à l'idée de les incinérer. Et réciproquement, ceux qui ont comme coutume funéraire l'incinération s'offusqueraient de devoir consommer le cadavre de leurs ancêtres. Nous ne pouvons pas, en tant que juristes, ne pas tenir compte de cette universalité de l'interdit, car elle éclaire ce que j'appelle la fonction anthropologique du droit. Le constat de cette relativité des lois est en tout cas une brèche dans laquelle se sont engouffrés les sophistes pour opposer à ces lois artificielles, les vraies lois, celles de la nature. Et après eux, des générations de philosophes et de juristes n'auront de cesse de vouloir mesurer la légitimité de l'ordre juridique à l'aune d'un ordre naturel. Puisque nous n'avons plus de garant divin, eh bien, ce qui doit garantir les lois, là où il faut les ancrer, c'est dans la nature. C'est une obsession qui nous travaille encore, nous y reviendrons. La nature, mais quelle nature ? Est naturelle, écrit par exemple Aristote, pour la distinguer de la justice légale, la justice qui, je cite, a partout la même force et ne dépend pas de telle ou telle opinion. Soit, mais qu'est-ce qui a partout la même force et ne dépend pas de l'opinion ? Est-ce un ordre du monde ? Un ordre cosmique qui dépasse la volonté humaine et s'impose à elle, ou bien est-ce la nature de l'homme, celle qui pousse à vouloir imposer ses vues et dominer ses semblables ? Ou bien ces deux natures n'en font-elles qu'une, la seule loi réellement universelle étant la loi du plus fort ? Toutes ces questions qui agitaient les esprits des Grecs, je le disais, sont encore les nôtres. Elles sont au principe de la dénonciation du droit social par ceux qui, croyant en l'existence d'un ordre spontané du marché, je cite ici une notion de Friedrich Hayek, pourraient reprendre, sans y changer un mot, ce que déclarait déjà Calliclès dans le Gorgias de Platon. Alors, lisons-le ensemble. Le malheur est que ce sont, je crois, les faibles et le plus grand nombre auquel est due l'institution des lois, enfin des lois sociales, en tout cas. Aussi instituent-ils ces lois par rapport à eux-mêmes et à leur avantage, louant ce qu'ils louent et blâmant ce qu'ils blâment. Ceux de leurs semblables, qui sont plus forts ou capables d'avoir le dessus, ils arrivent à les épouvanter afin de les empêcher d'avoir ce dessus. Et ils disent que c'est laid et injuste de l'emporter sur autrui, que c'est cela qui constitue l'injustice, de chercher à avoir plus que les autres. Car comme ils sont inférieurs, il leur suffit, je pense, d'avoir l'égalité. Voilà donc pour quelle raison ce qui est dit injuste et laid, c'est de chercher à avoir le dessus sur la majorité, pour quelle raison on appelle cela commettre l'injustice. Vous voyez le caractère tout à fait provocateur, déjà, de Calliclès, qu'il dit, au fond, je ne dirais pas que c'est un Calliclès décomplexé, mais ceux qui ont la richesse et la force ne doivent aucune raison de se laisser intimider par cette foule de pauvres qui réclament un partage. S'ils ont la force, il faut qu'ils en usent. C'est ça la loi de la nature. Donc, fondée sur l'égalité, nous dit Calliclès, la loi humaine est l'arme des faibles et des moins capables, celle qui leur permet non seulement de ne pas se soumettre aux plus forts et aux plus capables, mais de les soumettre. Contre cet artifice, Calliclès en appelle à la nature dans une affirmation darwinienne avant la lettre qui sera promise à une longue postérité intellectuelle. Or, d'elle-même, dit-il, la nature, au rebours, révèle, je pense, que ce qui est juste, c'est ce que celui qui vaut plus est le dessus sur celui qui vaut moins, et celui qui a une capacité supérieure sur celui qui est davantage dépourvu de capacité. Alors, il faut se garder de confondre, de mettre dans le même sac les nombreux avatars contemporains de cette idée selon laquelle la loi du plus fort est la seule conforme à l'ordre de la nature. Sade, Nietzsche et Hitler, pour prendre quelques noms, ne peuvent pas être mis dans le même sac pas plus qu'Adam Smith, Darwin, Milton Friedman ou Friedrich Hayek. Mais cette diversité montre la séduction exercée par la projection sur le droit de ce que l'on pense être un ordre naturel. C'est Sade, dont le rapport à la loi a inspiré plusieurs travaux récents, notamment un ouvrage de mon collègue et ami François Host, qui l'a porté d'une certaine manière à incandescence, cette idée, en en dévoilant la potentialité mortifère. Lisons ensemble un extrait de l'histoire de Juliette ou les prospérités du vice. Je souligne tout de suite que ce binôme que célèbre dans le roman de Sade entre prospérité du vice et malheur de la vertu s'inspire de l'écrit d'un des écrits fondateurs du libéralisme économique, la fable des abeilles de Mondeville, qui justement a ce titre, la prospérité du vice. Alors, écoutons le divin marquis. On nous accoutume ridiculement dès notre enfance à nous compter pour rien et les autres pour tout. De ce moment, toute lésion faite à ce respectable prochain nous paraît un grand mal, tandis qu'elle est dans la nature, dont nous ne satisfaisons jamais mieux les lois qu'en nous préférant aux autres et qu'en les tourmentant pour nous délecter. S'il est vrai que nous ressemblons à toutes les productions de la nature, si nous ne valons pas mieux qu'elles, pourquoi persister à nous croire mus par des lois différentes? Les plantes et les bêtes connaissent-elles la pitié, les devoirs sociaux, l'amour du prochain? Et voyons-nous dans la nature d'autres lois suprêmes que celles de l'égoïsme? Donc, vous voyez, quand je dis qu'il pousse à incandescence, mais il le fait dans ses romans, son passage à l'acte est très mesuré, comme vous le savez. Mais de la philosophie dans le boudoir au massacre de masse, il y a un pas que le XXe siècle a vu franchir. Et je vais donner la parole à celui qui a attaché son nom à ce franchissement, donc à Hitler, qui écrit la chose suivante du droit. Il détestait les juristes. Le droit est une invention humaine. La nature ne connaît ni le notaire, ni le géomètre arpenteur. Dieu ne connaît que la force. Les richesses naturelles, par la vertu d'une loi immanente, appartiennent à celui qui les conquiert. Ceci est conforme aux lois de la nature. La loi de sélection justifie cette lutte incessante en vue de permettre aux meilleurs de survivre. Vous voyez l'obsession de la référence à la loi chez Hitler. Et ce que Hitler ajoute ici à Sade, c'est la référence à Darwin, c'est-à-dire à un sens biologique de l'histoire. Sade n'est tout... Alors, c'est une question sur la tentation d'ancrer le droit dans la biologie, nous y reviendrons. Sade n'est toutefois pas le premier à avoir qualifié l'égoïsme de loi suprême de la nature et à avoir défendu la thèse des prospérités du vice et des malheurs de la vertu. Cette thèse avait déjà été avancée, comme je vous l'ai dit, par Bertrand de Mandeville dans la fable des abeilles. C'est un bref conte philosophique publié en 1714 avec le sous-titre explicite « Vice privé, bénéfice public ». Louis Dumont avait souligné déjà l'importance de ce texte dans la genèse et l'épanouissement de l'idéologie économique contemporaine dans son ouvrage « Homo Equalis ». Et plus récemment, le philosophe Danny Robert Dufour, dans un livre intitulé « La cité perverse, libéralisme et pornographie », a montré de façon convaincante que Sade n'avait fait que dévoiler la vérité normative de cette thèse, qui, croyant pouvoir se passer de l'impératif catégorique kantien, érige l'amour de soi et l'instrument des autres en loi suprême d'un ordre juste. Je laisserai sur ce point le dernier mot à Friedrich Hayek, le plus vigoureux pourfendeur de l'idée de justice sociale, puisqu'il est l'auteur d'un livre qui s'intitule « Le mirage de la justice sociale », qui écrit « Les mœurs marchandes impliquaient que l'on garde ce dont des voisins pauvres auraient sans doute besoin et qu'on l'emploie à servir les demandes anonymes de milliers d'étrangers. Le gain financier, plutôt que la poursuite d'un bien commun, devint la base du bon renom, mais en même temps, il devint la cause efficiente de l'accroissement de la richesse générale. Donc vous avez chez Hayek, vous voyez, la reprise de l'idée déjà présente chez Mandeville. Mais revenons aux Grecs, face à Caliclès. Comment ont-ils essayé de surmonter cette crise de légitimité de la loi démocratique? Cette loi ne pouvant plus compter sur la garantie des dieux, comment éviter qu'elle ne soit livrée aux passions et aux appétits des hommes et ne finisse par être un simple instrument entre les mains des plus forts? Alors, de Socrate à Aristote, les réponses à cette question ont été diverses, mais on peut dire qu'elles ont eu en commun de faire appel à la raison humaine comme substitut à la raison divine. Commençons par Socrate. Vous savez qu'il va payer très cher, c'est-à-dire de sa vie, l'idée de soumission à la loi de la cité. Pour lui, ce qui est raisonnable, c'est de voir dans la loi une convention. Convention non point arbitraire, mais nécessaire pour que la cité se maintienne. Contrairement au philosophe des Lumières, ou plus près de nous à Rawls, l'un des derniers auteurs d'une théorie de la justice, il ne postule pas un contrat social originel, une sorte de Big Bang normatif d'où serait sortie la loi. Pour lui, l'adhésion à la loi, fût-elle injuste, est un engagement quotidien, contracté du seul fait qu'on vive dans la cité qu'elle régit. Car à défaut de cette adhésion, cette cité court à sa perte. Au fond, je pense que Socrate aurait apprécié une petite affiche que j'avais vue dans les autobus l'année dernière, des autobus parisiens. Si chacun fait ses règles, tout se dérègle. Voilà. Et l'on peut dire qu'il place, Socrate, cet engagement au-dessus de sa propre vie, puisque cette réponse, c'est dans le Criton qu'il la donne, au moment de décider s'il se soumettra ou se soustraira à la peine de mort qui lui a été injustement infligée. Alors, vous savez que Platon a gardé un souvenir très amer de cette injustice faite à son maître, et c'est la raison pour laquelle Platon ne pouvait plus adhérer sans réserve à l'idéal d'un gouvernement par les lois. Pour lui, ce qui est raisonnable, c'est d'admettre que la loi est un mal nécessaire, un instrument imparfait, mais indispensable. Pour Platon, dans un monde idéal, il n'y aurait pas besoin de loi, car un tel monde serait gouverné par la science. Une science parfaite, une science royale, qui permettrait d'accorder le monde des faits à celui des idées. C'est la description de cet ordre idéal qui forme la matière première du traité Le Politique, du dialogue, pardon, en même temps qu'une critique en règle des imperfections de la loi. C'est même très dur vis-à-vis des illusions qu'on peut nourrir sous le gouvernement des lois. La loi est incapable de saisir la diversité des cas particuliers et l'évolution des situations. Mais c'est en revanche la défense de la souveraineté des lois qui forme la matière du traité Les Lois, le dernier rédigé par Platon. Il y examine les conditions sous lesquelles les lois peuvent, en somme, jeter un pont entre ce monde des idées et celui des humains. Elles doivent être fondées sur l'intérêt commun de la cité et s'inspirer du modèle divin qui se révèle à l'homme dans l'exercice de sa raison. Ainsi comprise, la loi est ce qui doit régner sur la cité et les gouvernants n'en sont que les gardiens et même, écrit-il, les esclaves. Je cite, « Si j'ai appelé serviteurs des lois ceux que l'on nomme aujourd'hui gouvernants, ce n'est pas pour le plaisir de former des termes nouveaux. C'est qu'à mon avis, de cela dépend plus que tout le reste, le salut de la cité ou sa ruine. Que dans une cité, la loi soit assujettie et sans force, et je vois sa perte toute proche. Mais où elle règne sur les chefs, et où les chefs se font les esclaves des lois, c'est le salut que je vois arriver là, et avec lui tous les biens que les dieux accordent aux cités. » Alors, dernier de mon triptyque, après Socrate et Platon, Aristote, bien sûr, pour lui, ce qui fonde l'autorité des lois, c'est l'expérience. L'expérience acquise, c'est l'usage sanctionné par la cité qui donne au nomos sa solidité. Alors, ça conduit Aristote à avoir une conception de la loi très différente de la nôtre, en réalité, parce qu'il récuse l'assimilation de la loi à de l'art législatif à une technique de gouvernement. En effet, nous dit Aristote, les règles techniques doivent changer en fonction d'un critère d'efficacité. Si on trouve une technique meilleure, on abandonne la règle technique précédente. Alors qu'en revanche, l'efficacité des lois est suspendue à leur stabilité. Il écrit ainsi, l'exemple de ce qui se passe dans les arts est fallacieux. Alors les arts, il faut entendre ça au sens des arts mécaniques, pas forcément les beaux-arts, donc c'est la technique. Car il n'existe aucune ressemblance entre modifier la pratique d'un art et modifier une loi. La loi n'a aucun pouvoir de contraindre à l'obéissance en dehors de la force de la coutume, et celle-ci ne s'établit qu'après un laps de temps considérable, de sorte que passer facilement des lois existantes à de nouvelles, toutes différentes, c'est affaiblir l'autorité de la loi. Cette idée, selon laquelle l'autorité des lois dépend de leur stabilité, a elle aussi couru jusqu'à nous et a été réaffirmée par ceux-là même qui s'employaient à bouleverser profondément l'ordre juridique. Bon, c'est une grande constante qu'on célèbre ce qu'on est en train de violer en général. Alors, il y a un exemple extrêmement célèbre que je ne peux pas m'empêcher de citer ici. C'est un extrait du célébrissime discours préliminaire du Code civil de Portalis. Les lois ne sont pas de purs actes de puissance, ce sont des actes de sagesse, de justice et de raison. Le législateur exerce moins une autorité qu'un sacerdoce. Alors, il poursuit, il ne doit point perdre de vue, le législateur, que les lois sont faites pour les hommes et non les hommes pour les lois, qu'elles doivent être adaptées au caractère, aux habitudes, à la situation du peuple pour lequel elles sont faites. C'est une citation presque mot à mot de Montesquieu, ce passage. Qu'il faut être sobre de nouveautés en matière de législation. Alors, je souligne ce passage parce que s'il est possible dans une institution nouvelle de calculer, nous voyons apparaître l'idée possible calcul de la loi, les avantages que la théorie nous offre, il ne l'est pas de connaître tous les inconvénients que la pratique seule peut découvrir. Et il poursuit, il faut laisser le bien si l'on est en doute du mieux. En corrigeant un abus, il faut voir les dangers de la correction. Au lieu de changer les lois, il est presque toujours plus utile de présenter aux citoyens de nouveaux motifs de les aimer. Vous notez le lien établi par Portalis entre calcul législatif et instabilité des lois. Il faudra s'en souvenir donc lorsque nous aborderons la gouvernance par les nombres. Après Platon, et aussi après le prologue du Digeste, vous notez, c'est dans le premier alinéa, que Portalis voit dans l'art législatif un sacerdoce, une médiation entre d'une part le monde des idées, de la connaissance pure, et d'autre part celui de l'expérience humaine, marquée par la diversité des caractères et la force des habitudes. La considération du premier, de la connaissance pure, nous porte à calculer les avantages que la théorie nous offre, tandis que celle du second, de l'expérience, nous incite à ne légiférer que d'une main tremblante, c'est une expression célèbre qui est en fait due à Montesquieu et pas à Portalis. Ce thème de la peur, qui devrait habiter le législateur au moment d'exercer son office, est lui aussi déjà présent chez les Grecs, et Démosthène donnait un exemple aux Athéniens, un exemple qui pourrait être donné à l'Assemblée nationale française, l'usage locrien selon lequel, je cite, « Quiconque propose une loi nouvelle le fait la corde au cou. La proposition paraît-elle louable et utile, l'auteur se retire, la vie sauve. Sinon, on serre la corde et c'est la mort. » Ça serait très efficace, certainement, pour réduire ce qu'on appelle l'inflation législative, mais comme vous le savez, c'est plutôt le contraire que donne à voir l'inflation contemporaine des lois. Il semble que l'injonction du « publish or perish » semble frapper indistinctement les savants et les gouvernants. Donc l'apport grec à notre idée de loi est généralement négligé par les juristes contemporains. De la Grèce, ils ne retiennent au mieux que les pages qu'Aristote consacre à la justice particulière dans l'éthique à Nicomaque. Tout le reste est censé relever de ce que les juristes appellent la philosophie politique, autrement dit frapper d'excommunication juridique. J'évoquerai plus loin, avec la révolution grégorienne, les raisons historiques de cette exclusion du champ du droit, de tout ce qui ne se présente pas comme une pure technique. Mais c'est ce qu'on peut considérer comme une maladie professionnelle des juristes, ne doit pas nous empêcher de souligner ici l'extraordinaire fortune juridique qu'a connue cet idéal grec du gouvernement par les lois dans l'histoire des institutions occidentales. Cet idéal transpire dans les premières constitutions et déclarations des droits qui ont posé à la fin du XVIIIe siècle les bases d'un ordre juridique qui est encore, en principe, le nôtre. Alors, on en trouve une formulation ramassée dans le premier prototype des constitutions modernes, qui a été la constitution du Massachusetts du 2 mars 1780, dont l'article 30 pose le principe de la séparation des pouvoirs « To the end, it may be a government of laws and not of men ». Donc, il faut la séparation des pouvoirs afin de faire advenir un gouvernement par la loi et non par les hommes. Et on le retrouvera 9 ans plus tard à l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, disposant que « la loi est l'expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement ou par leurs représentants à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. » Bien sûr, ces dispositions constitutionnelles ne sont pas directement issues de l'Antiquité grecque. Elles sont le fruit d'un long travail de sédimentation et de réinterprétation de l'idéal grec du règne de la loi. Et nous allons voir comment Rousseau, dont on sait la profonde influence sur les premières constitutions américaines et françaises, décrit cet idéal. Il n'y a donc point de liberté sans loi. Il y aura moins de longues citations après, mais je trouve ces textes si beaux que je ne peux pas m'empêcher de vouloir vous les faire partager. Il n'y a donc point de liberté sans loi, ni où quelqu'un est au-dessus des lois. Dans l'état même de nature, l'homme n'est libre qu'à la faveur de la loi naturelle qui commande à tous. Un peuple libre obéit, mais il ne sert pas. Il a des chefs et non pas des maîtres. Il obéit aux lois, mais il n'obéit qu'aux lois. Et c'est par la force des lois qu'il n'obéit pas aux hommes. Toutes les barrières qu'on donne dans les républiques au pouvoir des magistrats ne sont établies que pour garantir de leurs atteintes l'enceinte sacrée des lois. Ils en sont les ministres, non les arbitres. Ils doivent les garder, non les enfreindre. On retrouve ce thème de l'esclave de la loi, le dirigeant comme esclave de la loi. Un peuple est libre, quelque forme qu'est son gouvernement, quand dans celui qu'il gouverne, il ne voit point l'homme, mais l'organe de la loi. En un mot, la liberté suit toujours le sort des lois, elle règne ou périt avec elle, je ne sache rien de plus certain. Si je vous cite ce long passage, c'est parce que c'est l'un de ceux où on trouve le plus clairement affirmé cet idéal d'un gouvernement par les lois, à l'aube de, au début de ce qui va être notre ordre juridique. Et en effet, on ne peut pas comprendre les dispositions constitutionnelles de 1789 sans se référer à la pensée de Rousseau, qui est ici, au sens plein du terme, une pensée juridique. Alors, Rousseau ne reproduit pas l'idéal grec, mais il le réinvente. Vous noterez particulièrement sa tentative de fonder le gouvernement par les lois sur une loi naturelle qui se retrouvera dans la déclaration de 1789. Alors, expulser ces textes de la science du droit n'est donc pas très scientifique. On ne peut ici que souscrire à l'observation d'Harold Berman, selon laquelle le positivisme juridique, celui qui s'en tient donc au droit positif pour faire une science du droit censée être pure, mais cela pourrait être dit aussi du juge naturalisme ou de l'école historique ou de l'école sociologique, et j'ajouterai à cette liste même la doctrine Law and Economics, toutes ces théories ne peuvent en aucun cas expliquer le droit, car ces théories sont partie intégrante du droit. Berman note l'histoire de la tradition juridique occidentale et pour partie le récit de l'émergence et des heurts de ces différentes écoles de philosophie du droit. Elle n'explique pas l'histoire, car c'est l'histoire qui les explique, pourquoi elles apparurent et pourquoi diverses écoles ont prédominé en tel ou tel endroit, à telle ou telle époque. La rétroprojection sur l'héritage grec d'une conception pure du droit, vidée de toute interrogation politique ou philosophique, est en réalité un legs du droit romain. Et donc nous allons en venir à cet apport romain qui est effectivement capital. Donc je passe maintenant à la lex en droit romain. De Rome, ou plus exactement du latin, nous vient tout d'abord le mot « loi », issu de « lex ». Alors, l'étymologie de « lex » a donné lieu à de nombreuses controverses, car le mot n'a pas de nom correspondant dans les autres langues indo-européennes. Et l'on peut raisonnablement penser que « lex » est issu du verbe « légérer », qui signifiait originellement « cueillir », avant de prendre le sens de « lire », car il est vrai que « lire », c'est « récolter des yeux », le sens porté par l'écrit. André Magdelin adopte cette étymologie qui a notamment le mérite d'éclairer ce qui distingue la lex du ius. Le sens premier du ius latin est celui d'une formule faisant autorité. Le verbe de ius est iuro, jurer, prêter serment, et ius dicere désigne la formule prescrivant ce à quoi l'on doit se conformer, ce qui va devenir la juridiction. Dans l'arôme archaïque, la nature première du ius était d'être secret. C'est une science réservée des pontifes qui sont les gardiens du mos, c'est-à-dire de la coutume des ancêtres. Alors, je fais un petit rappel, je ne suis pas sûr que tout le monde soit très familier des institutions romaines, donc il y a besoin de les mettre un petit peu en scène. La cité romaine ne comprenait au début que deux collèges de prêtres, qui étaient des sortes d'experts du sacré, les six augures qui interprétaient les signes envoyés par les dieux au moyen des oiseaux, et les cinq pontifes chargés de superviser, dit-on, le montage et le démontage des ponts du Tibre. Ils étaient d'abord des ingénieurs, sachant les secrets des mesures et des nombres. Bon, pontife, c'est celui qui fait les ponts. D'où leur devoir d'annoncer le calendrier public. Et cette aptitude à discerner les jours fastes des jours néfastes est à l'origine de leur expertise juridique. On va passer du fas au ius, du sacré au droit. Donc à ces deux premiers collèges, vint ensuite s'adjoindre celui des fessiaux, qui sont la mémoire vivante des traités passés avec les cités voisines, et occupe pour le ius iensium, le droit international, une fonction semblable à celle des pontifes pour le ius civilis, le droit civil. Quelque prestigieuses que soient leurs positions respectives, les pontifes, les augures et les fessiaux sont donc simples experts, des consultants qui sont dépourvus du pouvoir, de la potestas, et qui ne répondent que si on les interroge. Donc on leur pose des questions, ce sont des experts, on les interroge comme on interroge des consultants. Et donc, ils prescrivent les rites, notamment les rites sacrificiels, qui doivent être observés pour maintenir la paix avec les dieux et entre les hommes. Donc, comment ça se passait? Un père de famille qui voulait connaître le ius à suivre dans une circonstance donnée, autrement dit connaître l'attitude, les paroles rituelles observées pour l'accomplissement efficace d'un acte déterminé, par exemple pour revendiquer ou aliéner un bien, ou bien pour souscrire un engagement, eh bien, ce père de famille s'adressait au pontife qui lui répondait sous une forme oraculaire et non motivée. On disait « Qu'est-ce que je dois faire ? Tu dois faire ça. Bon. » Cette réponse formait un ensemble, ils étaient conservés. Donc cette technique des réponses qui était toujours formulée à l'impératif. « Tu fais ceci, tu fais cela. » Ces réponses ne valaient en principe que pour le cas considéré, mais donc on en conservait la mémoire, enfin plus exactement, les pontifes en conservaient la mémoire, selon une méthode casuistique qui donnait autorité à des précédents, mais qu'ils étaient les seuls à connaître. Ce qui faisait qu'on allait redonner la même réponse lorsque le même cas se présentait. Comme les responsa, comme ces réponses, les leges étaient alors formulées à l'impératif et participaient comme elles de la catégorie juridique du ius. Mais la différence, c'est qu'elles étaient, dès l'origine, un ius rendu public, proclamé ou affiché, ou les deux à la fois. Donc le rite de la lecture était une condition de la validité de la lex. Ce n'est qu'avec le temps que lex en viendra à désigner non pas l'action de lire un texte, mais ce texte lui-même. Et c'est seulement avec la naissance de la République que le mot lex a servi à importer à Rome le modèle grec du nomos, c'est-à-dire le modèle d'une cité régie par les lois et le principe d'isonomie. Alors, l'histoire est bien connue, elle est racontée par Tite-Live, mais Tite-Live, on ne sait jamais, hein, c'est tellement beau, on ne sait jamais. Enfin, ce qui est dit, c'est que pour surmonter les conflits sociaux de Rome, on décide d'envoyer des ambassades en Grèce pour savoir comment ça marche, comment ces Grecs se débrouillent de la question de la loi. L'ambassade revient et c'est dans ces conditions qu'on va adopter la loi des 12 tables en 450 avant Jésus-Christ. Et on va les écrire et les rendre publiques, les inscrire dans le bronze, sur le forum. Et c'est cette inscription et cette publication qui marque ce tournant juridique et démocratique dans l'histoire romaine. Alors, on aurait pu penser que les Romains allaient importer purement et simplement l'idée de gouvernement par les lois qu'on a étudiée tout à l'heure à propos du nomos. C'est pas ce qui s'est passé exactement. Les modalités de cette importation ont été mises en lumière récemment dans un ouvrage d'Aldo Schiavone qui a été traduit en français, c'est en italien, « Ius, l'invention du droit en Occident », qui est paru en 2008. La greffe du modèle grec n'a pas pu prendre vraiment à Rome, car le règne de la loi a dû compter avec l'existence de l'expertise juridique des pontifes. Ces derniers, je vous le disais auparavant, ils étaient les maîtres d'un savoir secret. À partir du moment où il y a une loi publique, les choses changent. Mais ils devinrent les gardiens de ces lois dont ils n'étaient pas les auteurs. Et ils les firent passer au filtre de leur pouvoir herméneutique, de leur pouvoir d'interprétation. Et ce pouvoir passa ensuite aux mains de jurisconsultes laïcs, après qu'au Ve siècle, un scribe affranchi, enfin je ne vous raconte pas toute l'histoire, Flavius, eut divulgué le savoir jusqu'alors secret des pontifes. Donc, ce qu'il faut retenir de cette histoire, c'est qu'on n'a pas la loi toute simple, mais une loi qui passe au filtre des formules du ius que connaissait la cité romaine. Et c'est ainsi que le ius s'est incorporé la lex et pu s'affirmer comme une technique délavée cette fois de ses origines religieuses. Ce n'est plus tant en tant que prêtre que le pontife intervient, mais en tant qu'expert des formules justes. Et ça peut s'affirmer donc, ça va perdre peu à peu la tonalité religieuse qui était à l'origine la sienne, et ça va pouvoir servir les formes d'organisation les plus diverses, les formes d'organisation politique les plus diverses. Ces techniques remplissent ce que l'on pourrait appeler une fonction digestive. Elle permet à ce qu'on appelle le corpus iuris, alors l'image de l'organisme est présente, évidemment, de digérer le contenu des lois, quel qu'il soit. C'est ça, cette combinaison de lex-ius. On va pouvoir, dans les formules du ius, faire rentrer n'importe quelle formule de la lex. Et ce pouvoir digestif est entre les mains d'experts qui professent leur neutralité à l'égard des contenus des lois et les mettent en œuvre dans des conditions rigoureusement codifiées. Le contenu, ça m'est égal, je suis expert simplement de la mise en œuvre conforme. La loi ne pouvait être source d'un droit individuel que sous réserve de pouvoir être actionnée par une formule dûment accréditée par le juge. Alors c'est là aussi la grande distinction avec la Grèce, c'est que la mise en mouvement de l'effet obligatoire de la loi suppose de passer par l'expert et d'employer les formules justes, la juste formule. Et ces justes formules sont de véritables codes d'accès à la loi et elles procédaient d'une typologie des cas litigieux, d'une abstraction de la diversité des situations de fait et se présentaient ainsi comme une sorte d'algèbre sociale. Un homme du peuple romain, écrit le grand romaniste Girard, eût été aussi embarrassé pour appliquer les 12 tables à une situation donnée qu'un homme ordinaire le serait aujourd'hui pour se servir d'une table de logarithme. Enfin, Girard écrit en 1910, donc il donnerait peut-être d'autres exemples mathématiques. Certainement exact, cette comparaison ne doit pas nous conduire cependant à projeter sur le passé notre distinction du fond et de la forme. Non seulement parce que les Romains ignoraient l'algèbre, mais surtout parce que le droit romain ignorait la claire distinction que nous établissons entre règles de fond et règles de procédure. Le ius mêle encore l'un et l'autre. Le droit se définit d'abord comme le droit d'agir dans un cas déterminé, et le respect des formes correspondant à chaque cas procède d'un souci d'efficacité rituelle, même s'il prépare l'avènement d'une conception technique du droit comme pure forme capable de traiter n'importe quel contenu. Donc, ce point est peut-être un peu abstrait, mais il est extrêmement important, de cette distinction du rapport fond-forme. Et ce qui noue les deux choses dans l'expérience romaine, c'est l'ancrage rituel. Je dis au départ, les pontifes sont les experts du rituel. Et dans le rituel, le fond et la forme sont absolument indissociables. Ces formules, donc, obéissaient à des règles de composition strictes, et leur structure peut être décomposée en parties principales, dont la liste varie selon le type d'action, et parties accessoires, dont la liste dépend des caractéristiques concrètes du cas. Alors, comme on parle toujours des actiones romaines sans jamais donner d'exemple, je vais essayer de vous en donner un. Voici la structure logique de base d'une formule d'action, donc d'expression d'un ius. Les parties principales sont la nomination du juge, la demonstratio, c'est-à-dire la clause indiquant à quel titre on agit, l'intentio, c'est ce qu'on allègue, ce qu'on prétend, et l'adjudicatio, qui donne au juge, dans le cas des actions en partage, le pouvoir de transférer la propriété. Et enfin, la condemnatio, c'est la réponse qu'on attend du juge. On attend que tu dises ceci ou cela. Alors, voici un exemple très simple qui ne comprend que les trois éléments de base d'une action, tiré du digeste que cite la regrettée Marie-Thérèse Feuzen dans un livre sur lequel nous reviendrons. Ça commence, nominatio, un tel doit être juge. Donc, Bridois doit être juge. S'il doit s'avérer que A, le plaignant, a confié en dépôt une table en argent à B, et que, par perfidie de B, la table n'a pas été rendue. Donc là, c'est l'intentio. Toi, juge, tu dois condamner B en faveur de A pour la somme que vaut l'objet, et si cela ne s'avère pas, tu dois l'acquitter. Donc cette formule, il faut la prononcer à la virgule près. Autrement, on a tout perdu. Bon. Ces formules s'imposent au plaideur, mais le prêteur peut les retoucher. Il peut admettre qu'elles évoluent pour en étendre le champ d'application à des situations non prévues à l'origine. Il le fera en ajoutant un paramètre permettant de distinguer un cas nouveau des précédents. Alors, restons sur notre hypothèse de dépôt de table d'argent. Dans l'hypothèse où le dépositaire pourrait exciper d'une bonne raison de ne pas avoir restitué la table, il pensait que l'autre lui avait donné, par exemple. On va pouvoir recourir à la notion de bonne foi et on va aboutir à ce moment-là à une formule différente. Un tel doit être juge. Le thème du procès est que A a confié à B une table en argent pour qu'il la conserve. Donc jusqu'ici, rien ne change. Ce que pour cette raison B devra donner et faire en faveur de A sur la base de la bonne foi. Donc la fin, c'est à toi, juge, qu'il revient de condamner B en faveur de A, et si ça ne s'avère pas, tu dois l'acquitter, c'est la condemnatio. Ici, il va de soi qu'on attend du juge une sanction d'un type différent de celle où celui qui a reçu la table en dépôt était de mauvaise foi. Alors, ces variations de paramètres peuvent faire bourgeonner, si je puis dire, les formes. Il y a une multiplication des formules d'accès, mais le droit reste lié, on n'a de droit que si on a la formule. S'il n'y a pas une formule, on n'a pas le droit correspondant. Alors, c'est ainsi, par exemple, que l'actio civilis legis aequilie, c'est un exemple que j'emprunte à Girard, initialement accordé au seul propriétaire d'une chose endommagée par autrui, donc ce propriétaire P, d'une chose endommagée par autrui, a été étendu par le prêteur à l'usufruitier, U. Donc on va remplacer dans la formule, on pourra mettre partout où il y a P, il peut y avoir U. Dans cet exemple, l'extension est opérée par une transposition de personnes. On va mettre l'usufruitier à la place propriétaire. U est admis à la place de P, qui donne naissance à une nouvelle formule. Un autre procédé va consister à faire comme si une condition de la formule était remplie, c'est-à-dire de recourir à une fiction. Et là, on voit apparaître la fiction juridique, qui est une technique extrêmement importante, qu'il ne faut surtout pas confondre avec la fiction romanesque, comme on tend à le faire. La fiction juridique doit maintenir avec la réalité une crédibilité qui n'est absolument pas exigée de la fiction romanesque. Et on va aboutir à ce moment-là à ce qu'on appelait une actio fictitie du type suivant. Donc, un tel doit être juge, le thème du procès est que A a confié en dépôt une table en argent. AS, l'esclave de B. Donc, la table a été remise à l'esclave. Il te revient à toi, juge, de dire ce que S, s'il était libre, doit donner à A ou réaliser pour lui sur la base de la bonne foi et condamner B en faveur de A. Le droit individuel s'identifie dans un tel système au droit d'agir au sens procédural du mot. En l'absence d'une formule correspondant au cas litigieux, il n'y a pas de droit opposable. Pour employer un concept formé dans un tout autre contexte par Louis Dumont, le droit romain est donc né d'un englobement de la lex par le jus, donnant naissance à un paradigme institutionnel promis à une extraordinaire carrière, celui d'un ordre juridique qui tout à la fois s'impose aux gouvernants et est un instrument de leur pouvoir. Cet ordre s'impose à eux car il autonomise la forme juridique et investit les gouvernés de droits individuels opposables. Et il est un instrument de leur pouvoir car, à la différence de la loi religieuse ou scientifique, la loi civile donne force normative à la volonté humaine et peut être modelée et transformée par elle. Ce paradigme est donc bien celui d'un gouvernement par les lois, mais à la différence de l'original grec, il ne s'identifie pas à un régime politique précis. Devenue technique de gouvernement, la loi est susceptible de servir aussi bien une monarchie ou une oligarchie qu'une démocratie. Et issue du droit romain historique, cette technique a été réélaborée par le pape Grégoire VII lorsqu'il revendiqua d'être la source vivante de loi qui s'impose à toute la chrétienté en tant que vicaire du Christ et non plus seulement vicaire de Pierre. Et en réalité, c'est dans ce tournant médiéval que se trouve la véritable origine de ce qu'on peut appeler la tradition juridique occidentale. Voilà, nous avons terminé ici ce que je voulais vous dire sur la lex romaine. Je vous remercie de votre attention. C'était les cours du Collège de France. Vous venez d'écouter Alain Supiot le 14 février 2013. L'essence de la loi dans la tradition juridique antique, dans le cadre de la série de cours intitulée « Du gouvernement par les lois à la gouvernance par les nombres ». Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens et les informations autour de cette diffusion. Alain Supiot a publié sa leçon inaugurale « Grandeur et misère de l'État social » chez Fayard en 2013. Son cours sur la gouvernance des nombres a été publié chez le même éditeur en 2015. Réalisation Milena Elig, mixage Bernard Laniel, présentation Meryl Moneghetti. Demain, suite de l'essence de la loi dans la tradition juridique occidentale, Alain Supiot mettra en perspective la révolution grégorienne.